Garçon, s'il vous plaît. Je voudrais un café crème avec deux croissants. M'excusez, monsieur, on n'a plus de croissants. Ah. Ah, ben ça fait rien, là. Vous avez tout simplement un café, alors. Hein? C'est ça, un petit café, alors. Avec deux croissants. Je me suis mal exprimé. Je viens de vous dire que nous n'avions plus de croissants. C'est laissé surprendre, ce matin, on n'a plus du tout de croissants. Ah, ben ça change tout, là, alors. Hein? Ça change tout, que je prends d'autres choses, alors. Donne-moi un petit verre de lait. Vous avez du lait? Eh ben, donne-moi un verre de lait, alors. Avec deux croissants. Je viens de vous dire que nous n'en avions plus de croissants. Les brioches, oui, mais les croissants, non. C'est les croissants. Hein. Ah, plus de croissants, c'est terminé les croissants. Faut pas vous énerver pour ça. Mais ça fait rien. Écoutez, je vous félicite de voir votre conscience professionnelle, mais je prendrai autre chose. N'importe quoi, ce que vous voulez. Je suis pas le client embêtant, moi. Je prendrai ce que vous voulez, je peux pas m'éloigner. Du thé, du chocolat au lait. Vous avez du thé? Une petite tasse de thé, alors. Avec deux croissants. Mais dites donc, vous en avez pour longtemps, embêter ce garçon, vous, là? Ça fait 10 minutes que je vous observe, depuis le début. Qu'est-ce qui vous prend d'embêter un garçon pendant son travail, hein? Je vous connais pas, vous? Je suis client. J'ai le droit de commander ce que je veux, mais je m'occupe pas de ce que vous commandez, vous. Un client, il a... Ah, vous êtes client? Moi aussi, je suis client. Taisez-vous, monsieur. Vous devriez avoir honte d'embêter un garçon pendant son travail. Taisez-vous. Laissez-moi vous dire d'abord, garçon, que vous avez de la patience. Parce que moi, garçon, si j'avais été à votre place, il y a longtemps que j'aurais pris les deux croissants, je vous les aurais foutus sur la gueule.